Merci de nous rester fidèles. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici le sommaire. 12 personnes sur 18 qui se réclament membres du parti CNL qui avaient été arrêtés en début du mois dernier ont été acquittés. Ceux qui restent écopés une peine d'une année et d'une amende. Vous aurez les détails tout au début de ce journal. Et ouf de soulagement des pêcheurs du lac Gweru, des activités sur ce lac ont redémarré il y a 3 jours. Les détails nous fera le point notre correspondant à Kirundo. Et le ministère de la Santé publique tranquillise la population qui craint la contamination du Covid-19 lors des cérémonies d'enterrement des leurs. Vous entendrez le ministre de la Santé dans ce journal. Et après cette édition, vous avez droit à la revue de la presse. Bienvenue, Albert Ndouaye est à la manette du son. Moïse Misago est à la présentation. Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel. Page justice pour commencer cette édition. 12 personnes qui se disent être membres du parti CNL ont été acquittées tandis que 6 autres ont été condamnées à une année d'emprisonnement et une amende de 350 000 francs burundais. Les 18 avaient été arrêtés en date du 3 et 4 mai dernier en commune Kabezi de la province Bujumbura. Ils étaient accusés de 6 faits infractionnels dont l'association des malfaiteurs et des coups et blessures contre une personne qui dit être membre du parti CNDD-FDD, le point avec Aubin Nyongourou. Les 18 qui se disent être des membres du parti CNL avaient été arrêtés en date du 3 et 4 mai dernier. Ils ont été interpellés sur la colline de Mena, en commune de Kabezi de la province de Bujumbura. Le parquet de Bujumbura les a poursuivis pour plusieurs infractions, dont l'association des malfaiteurs, l'enlèvement, des coups et blessures, la possession illégale d'armes, l'extorsion ainsi que la tentative d'assassinat contre une personne qui se disent être membre du parti CNDD-FDD. Les 18 ont plutôt parlé de montage lors de l'audience publique du 15 mai dernier. Certains se sont même défendus devant le siège en disant qu'ils ont été interpellés alors qu'ils se rendaient au travail. Le verdict est tombé ce vendredi. Le tribunal de grande instance de Bujumbura a retenu l'infraction de coups et blessures et les a condamnés à une année d'emprisonnement et ils devront payer 350 000 francs de dommages et intérêts. Merci Aubin Nyonguru. Reprise des activités de pêche sur le lac Gweru en commune Boussone de la province Kirundo il y a 3 jours. Ces activités sur ce lac constituant la frontière burundo-rwandaise avaient été suspendues après l'incident qui s'est passé à la veille du scrutin. Certaines mesures ont été prises, notamment l'arrêt de pêche dans la zone tampo de ce lac pour éviter des accrochages avec les voisins du Rwanda. Une autre mesure prise est l'arrêt d'embarquement de caisses de poissons pendant la nuit vers Bujumbura. Bujumbura ouvert la RDC, Abraham Safari, correspondance. Après l'incident qui s'est passé à la veille du scrutin dans le lac Gweru en commune de Busoni, où il y a eu échange de tirs entre les militaires burundais et rwandais, des mesures de suspension de pêche dans ce lac ont été prises. Cependant, comme le précise l'administrateur de la commune de Busoni, Albert Hatungimana, certaines mesures accompagnant la réouverture de la pêche ont été prises. C'est entre autres ne plus faire la pêche dans la zone d'eau partagée avec le Rwanda dans la localité appelée Kijerege, afin d'éviter qu'il y ait un autre incident. Autre chose, l'embarquement nocturne des caisses aux poissons vers Bujumbura ou vers le Congo est d'ores et déjà suspendu. Ici, l'administrateur Hatungimana signale qu'il s'inquiète beaucoup de ce commerce, que certains commerçants peuvent mélanger ces poissons avec des minéraux dans les caisses. Ils vont également mettre les mains sur les pêcheurs qui utilisent les filets ne remplissant pas les normes, surtout les moustiquaires et autres. Tous les pêcheurs sont demandés de se réunir en association ou en coopérative pour éviter le désordre. Vous saurez que 50% des recettes communales proviennent dans la récolte de ces poissons, du moins selon cet administratif. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Page santé à présent, le ministère de la Santé publique tranquillise la population qui craint la probable contamination du Covid-19 lors des cérémonies de funérailles des leurs. Dans une conférence de presse ce vendredi, le ministre Tadendi Kumana a précisé qu'un corps sans vie ne peut pas contaminer un être vivant car, dit-il, le virus se transmet par voie aérienne. Je propose de l'écouter. La contamination, c'est pendant la période de maladie. Contamination post-mortelle, je n'ai jamais vu. En tout cas, de toutes les façons, il faut que les gens comprennent les choses. Le COVID-19, c'est une maladie nouvelle. Aucun pays n'a l'expérience plus que l'autre. C'est toujours les chercheurs, ils se recherchent. Et nous avons pris l'option de consulter les chercheurs burundais pour qu'ils nous donnent un protocole. Mais contamination post-mortelle, c'est discutable. Parce que le seul mode de contamination du COVID-19, c'est à travers, vous l'avez vu dans les diapositives, c'est à travers les toux, l'éternuement, mais aussi quand quelqu'un se mouche et qu'il touche l'autre, c'est facile. C'est le même mode qu'on observe au niveau d'un syndrome grippal. Mais quand c'est par voie aérienne, je ne comprendrais pas comment un être inerte pourrait contaminer sans respirer. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h01 dans les studios de la radio Isanganiro, l'agence burundaise de promotion des investissements API appelle les opérateurs économiques à investir au Burundi. Selon cette agence, il y a des domaines qui restent non encore exploités. À l'issue d'une retraite des médias de 2 jours à Gitega, le porte-parole de cette agence dit que le code des investissements prévoit des avantages pour leur promotion. Antonine Chizabatungwanayo ajoute que cela permet la création d'emplois. On l'écoute. L'API, c'est une agence qui est vraiment très ouverte. Nous sommes ouverts, nous accueillons tout le monde. Nous sommes disponibles pour aider tous les investisseurs, quel que soit le niveau de son exploitation. Nous sommes là pour faciliter l'investissement. Nous sommes là pour que chacun se sente à l'aise pour créer et investir au Burundi. Quand on parle d'entreprises certifiées au niveau de l'API, on veut dire des entreprises qui ont réussi le certificat d'éligibilité aux avantages du code d'investissement. C'est-à-dire qu'au niveau du code d'investissement, il y a des avantages que la loi donne aux investisseurs selon des catégories bien précises. Et ces avantages sont donnés afin que l'investisseur soit facilité dans son travail, soit à l'aise. Alors quels sont les avantages? C'est bon pour l'investisseur parce que ça lui facilite le travail, ça lui facilite l'installation et les activités en cours. Mais aussi c'est bien pour le pays parce que ça amène plus d'investisseurs. Et aussi pour plus tard, quand il y a plusieurs entreprises qui sont créées, qui travaillent, qui sont en exploitation, ça ramène aussi des recettes, donc des impôts taxés qui sont payés. Ça amène de l'emploi pour la population qui est au chômage et puis tant d'autres choses. Cette agence estime qu'après cette retraite, des journalistes sont outillés pour annoncer l'émission de cette organisation. Encore une fois, suivez Antonine Chizabatungwanayo, elle est porte-parole de l'agence API. Après cette retraite que nous avons organisée avec 19 médias, l'API s'entend à ce que les médias soient les ambassadeurs de l'API. Parce qu'avec le bagage que nous leur avons donné, nous espérons qu'ils pourront mieux écrire, parler sur l'API, tout en sachant qu'est-ce que l'API fait exactement. Parce que chaque service a eu le temps d'expliquer quelles sont les missions qu'il accomplit chaque jour, d'expliquer les réalisations et les perspectives. Donc chacun ressort avec un bagage assez vaste pour mieux s'exprimer, pour mieux exprimer ce que nous faisons, pour être vraiment des vrais ambassadeurs de l'API, mais aussi du Burundi. Page société de cette édition, des coupures électriques s'observent dans les quartiers comme Gisoro, Gati et Giporo de la ville de Kayanza. Nous sommes au nord du pays, bientôt plus de 3 semaines. Les habitants de cette ville qui font des travaux qui nécessitent ce courant électrique indiquent que cet état de fait a paralysé leurs activités. Au niveau du service chargé de la communication à la régie des eaux à Kayanza, l'on indique qu'il s'agit d'un transformateur à baisseur de tension qui est en panne, mais l'on envisage un groupe de techniciens pour sa réparation en début de la semaine prochaine, n'est-ce pas Patrick Sengiyumva? Ces personnes qui font des activités nécessitant l'usage du courant électrique sont en majorité ceux qui exploitent des cafétérias, des coiffeurs, de même que les propriétaires de moulins. Certains parmi eux, avec qui nous nous sommes entretenus, qui habitent d'ailleurs dans ces quartiers n'ayant pas d'électricité comme Giporo, Gisoro, Gati, disent que leurs activités sont paralysées il y a plus de 3 semaines suite à cette coupure d'électricité. À titre d'exemple, les vendeurs du lait dans les cafétérias font savoir qu'ils sont obligés de s'approvisionner du lait qui doit être tout consommé la journée par les clients, faute de moyens nécessaires pour la meilleure conservation de ce produit. Avant la coupure d'électricité, on pouvait gagner entre 50 et 80 000 francs par jour, mais aujourd'hui, on enregistre quand un grand variant entre 10 et 15 000 seulement, explique ce commerçant de lait. C'est le même son de cloche avec les coiffeurs de ces localités avec qui nous nous sommes entretenus. Quant au propriétaire d'Omelin, il précise qu'auparavant, on pouvait enregistrer des recettes dont un tas variant entre 80 et 100 000 francs par jour. Mais, poursuivait-il, suite à cette situation, les activités sont pour le moment interrompues. De tout ce qui précède, les services de la régie des eaux, interrogés à ce sujet, disent que cette coupure d'électricité est due à une panne d'un transformateur abaisseur de tension qui alimentait le courant dans ces localités de la ville de Kayanza. À cet effet, les chargés de la communication à la régie des eaux tranquillisent la population. Ils promettent qu'il est prévu un groupe de techniciens qui sera dépêché sur les lieux la semaine prochaine pour la réparation de cet appareil. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva pour tous ces détails. Et voilà, c'est par ici que nous mettons la boucle de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je dis merci à Albert Ndouaïo pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, c'est la revue de la presse avec Eline Benibigira et Jean-Bosco Ndouimana. Au revoir. De la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Un verdict qui n'efface pas les doutes, titre du journal Iwacu. Dans son éditorial, notre confrère rapporte que la Cour constitutionnelle a tranché dans l'après-midi de jeudi 4 juin. Il rappelle aussi qu'Agathon Rwasa, le challenger d'Evariste Ndayishimiye, de même que plusieurs voix dans l'opinion, ont dénoncé des irrégularités qui ont émaillé le triple scrutin du 20 mai dernier. Le verdict de ce jeudi n'efface pas ce sentiment, constate l'éditorialiste. Le journal Iwacu note cependant que deux candidates du parti CNL qui figuraient sur les listes bloquées aux législatives, débloquées par la CENI, ont été rétablies dans leurs droits. Il s'agit de Pelat Nyonguru dans la province de Kayanza et Katike Zimana de la province de Bujumbura. La radiation par la CENI des candidats du CNL sur les listes électorales est illégale, nulle et de nul effet, a tranché la Cour constitutionnelle citée par Iwacu. Pour cet organe, différents recours présentés sont sans impact sur la régularité du triple scrutin de 20 mai dernier. La même Cour a affirmé que de manière globale, aucune irrégularité n'est de nature à mettre en cause les résultats des élections, rapporte-t-il. Elle n'a pourtant rien dit sur la proclamation des résultats provisoires des élections et leur publication non contrôlée sur le site officiel de la CENI, le fameux draft, précise notre confrère. Pour le CNL, il ne reste plus comme voie légale que de s'en remettre à la cour de l'EAC, une procédure qui semble lointaine aux yeux de l'éditorialiste d'Iwacu. Bref, si le verdict semble avoir scellé le sort, il persistera toujours ses doutes, conclut l'hebdomadaire Iwacu. Covid-19, une crise de plus, titre l'éditorialiste du journal Burundi Echo, qui en page intérieure montre comment les échanges commerciaux ont drastiquement chuté à l'échelle mondiale à cause du coronavirus. Et le Burundi est également concerné par ce fléau, surtout que maintenant le Kenya et l'Ouganda renforcent les contrôles des transporteurs par route originaires du Burundi par crainte du Covid-19. Cet hebdomadaire fait remarquer que nombreux sont les pays africains qui ont fait recours à des prêts d'urgence, notamment auprès du Fonds monétaire international FMI. C'était dans le but de réduire les conséquences économiques liées à la pandémie du coronavirus. Exemple de Burundi Echo. En avril dernier, le Sénégal a levé des fonds de plus de 6 millions de dollars américains pour soutenir le secteur touristique frappé de plein fouet par la crise sanitaire due au coronavirus. La Côte d'Ivoire a récemment bénéficié d'une aide d'urgence d'environ 900 millions de dollars de la part du FMI pour faire face à la pandémie du coronavirus. Faudra-t-il espérer un appui budgétaire conséquent ? S'interroge cet hebdomadaire qui trouve que c'est difficile à prédire, d'autant plus que le Burundi marque des points dans l'isolement sur la scène internationale au regard des discours récurrents sur la préservation de la souveraineté du pays. Pire encore, note son confrère, quatre hauts fonctionnaires de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dont le représentant de cette agence onusienne au Burundi ont été expulsés du pays. Dans l'entretemps, souligne toujours, non sans regret, Burundi Echo, le plan de riposte pour atténuer les effets du Covid-19 sur l'économie nationale promis par le ministre en charge des Finances se fait toujours attendre. Revue de la presse. Vers le réaménagement des programmes du fondamental et du post-fondamental, c'est le journal La Voix de l'enseignant qui fait cette annonce. Selon son confrère, il était temps, sinon tard, car les lacunes sont nombreuses, surtout au cycle 4 du fondamental, c'est-à-dire les 7e, 8e et 9e. Une commission d'experts recommande que les domaines des sciences et technologies et des langues soient subdivisés en deux. On penche vers la spécialisation des sections, sauf les cours d'entrepreneuriat et de formation patriotique et humaine, qui sont transversaux à toutes les sections. Il n'y aura plus de cours supplémentaires ni d'années communes comme c'était auparavant. Au poste fondamental, les cours de langue comme le français et l'anglais seront enseignés seulement dans la section langue. D'après toujours une source de cet hebdomadaire de l'éducation, on compte utiliser les programmes réaménagés dès le premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Les collines Mbale et Gasarara en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura, très fertiles mais enclavées, car connaissant un relief très accidenté, viennent d'être dotées d'une route et d'un pont qui vont désormais permettre la circulation des biens et des personnes avec facilité, rapporte l'agence burundaise de presse. Selon les bénéficiaires interrogés par notre confrère, c'est un ouf de soulagement car cette route tracée par la population et le pont construit par la commune vont propulser le développement de la population de ces localités, étant donné que ces collines d'Ombare et Gassarara produisent beaucoup de manioc, de haricots, de bananes et de légumes de toutes sortes, mais qui étaient auparavant vendus localement à vil prix, écrit-on dans ce quotidien l'ABP. Et c'est par ici que s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Jean Bosco Nduimana et Eline Belniwigira. Excellent week-end à tous. À la prochaine. Revue de la presse.